côté. À cheval, on va faire le tour des monts d'Aubrac. Ah oui ? Dans le sud. Ouais. Vous ne cessez de parler d'expérience. Ça, je parle d'expérience, comme vous-même. Mais mon cher, vous ne m'avez toujours pas dit quelle expérience précisément vous souhaitiez me rappeler. Allons. Mais vous y étiez, non ? Vous marchiez à mes côtés, non ? Voyons, hier matin, notre promenade aux étangs de Comelle. Vous y êtes. Ma foi, je ne vois pas en quoi cette promenade peut être qualifiée d'expérience et d'expérience compromettante, comme vous dites. Vous ne vous méfiez pas suffisamment de ce que vous vivez. Vous n'avez jamais pris le moindre recul. Voilà bientôt 30 ans que nous faisons cette promenade, et chaque fois vous vous y précipitez avec une ardeur juvénile, confondante et insupportable à la fois. Je vous observe, et je note, figurez-vous, votre égarement hebdomadaire. À peine ai-je garé la voiture auprès du petit pont, à peine sommes-nous sortis de la voiture, à peine avons-nous fait un pas vers le petit pont, que vous voilà complètement égaré, la tête de part en part subjuguée par les vapeurs, les éclats de lumière, le bourdonnement des insectes, l'été. L'hiver, saisi par les crispations de givre au cœur des étangs, remué au printemps jusqu'au tréfonds de votre âme insalubrement romantique par les appels insensés des volatiles. Le nez au sol à l'automne, remuant la feuille morte, dès le petit pont à rêver de morilles. Parlez pour vous, les morilles. J'appelle l'expérience l'épreuve que vous avez ignorée. Comme je l'ignorais encore moi-même à notre arrivée hier matin précisément auprès du petit pont. Eh bien, dites-moi, je vous écoute. 30 années de promenade hebdomadaire sans rien entendre ni rien voir. Cette semaine commencée au petit pont des étangs de Comelle, cette autre semaine démarrée au jeu d'arc d'Avilly-Saint-Léonard, l'eau puis la verdure, le bois mort ou la glace, et rien qu'un silence mortel masqué par le brouhaha de l'habitude. Je vous fais cependant remarquer que j'ai pris soin pendant ces 30 années qui vous désolent, que j'ai pris soin de me taire pendant nos promenades. J'ai lu, moi aussi, le poète anglais, le prêtre jésuite. Je sais moi aussi combien l'ami le plus cher peut mettre à mal une promenade hebdomadaire. Je souffre moi aussi du bavardage amical quand j'hésite à me promener avec vous, quand je me choisis un autre partenaire pour ma promenade hebdomadaire. Hier, dès le petit pont, j'ai su que nos promenades hebdomadaires avaient trouvé leur solution. Leur solution de continuité. L'expérience a débuté dès le petit pont. Quand nous avons croisé ces dames? Non. Non, naturellement. Je vous retrouve bien là. Ces dames. Cette maigre petite historiette qu'elles nous ont offerte. Malgré elles, ces deux phrases de l'une haletées, l'étonnement de l'autre exclamé, ces dames n'ont rien dit, ni fait qui ne participe pas à l'habituel brouhaha. Ha ha ha ha! Trente ans de promenade hebdomadaire, il faut que ce soit précisément deux femmes naturellement, qui nous aient extrait bruyamment de cette paresse hebdomadaire. C'est vous qu'elles ont éveillé. Quant à moi, comme vous le suggérez, je dors encore. Je n'en crois pas un mot. Vous êtes aussi intrigué que je l'ai été. Certes, immédiatement, naturellement. Ma stupeur se sera révélée moins durable que la vôtre, voilà tout. Intrigué, certes, je le suis. L'expérience que vous menez... L'expérience qui me tient par la bride, voulez-vous dire. L'expérience répétée dans l'ignorance la plus confondante, 30 années de prétendus chants d'oiseaux, de prétendues verdures, de prétendues saisons, 30 années d'étangs de comelles et de chemins aux vaches. Aux vaches ? Oui, mon cher. Vous ne saviez donc même pas que ce chemin emprunté chaque quinzaine depuis le Jeu d'Arc jusqu'à l'Allée aux Pins et retour se nommait le chemin aux vaches ? Pourquoi nous l'empruntions de concert, ruminants que nous sommes ? Non. Cette part du brouhaha ne vous était donc pas venue aux oreilles, que ces bestiaux ont large pourtant et proéminente. Qu'importe, je savais que j'empruntais le chemin aux vaches, mais n'en voulais rien savoir, comme du reste. Ces femmes nous auront tout révélé. L'expérience en cours s'est révélée grâce à ces femmes, ces trotteuses. Un bruit supplémentaire, entendez-vous? Un bruit de pas trottés. Deux phrases suivies d'une autre phrase. Deux affirmatives suivies d'une interrogative exclamative. Auront mieux fait pour nous sortir de l'inconscience que le passage des grues en novembre, le brame d'un cerf fin août ou le ridicule exercice du coucou au printemps. Ma foi, je ne sais ce qu'elles vous ont fait. Mais vous me paraissez bien retourné en effet. Dites-moi donc, à la fin, et la fin est l'effet de votre expérience. Non, non, cette fois non. Je ne vous lâcherai sans que vous ayez lâché votre morceau. Voilà 30 ans que vous me bassinez, excusez-moi, que vous me bassinez avec votre expérience. J'ai d'abord cru à ces simagrées, d'aînés, tolérables, je vous l'accorde, quand j'allais encore vers la trentaine et vous vers l'âge d'or de la quarantaine, bien rasés, pomponnés, parfumés. Désormais, je ne me contenterai plus de vos silences expérimentés. Le snark. Voyez-vous? Pardon? Le snark, mon cher. toujours un beau jaune.